Section 21 de La Bête du Gévaudan. Ceci est un enregistrement LibriVox. Tous nos enregistrements appartiennent au domaine public. Pour vous renseigner à notre sujet ou pour participer, rendez-vous sur LibriVox.org. Lu par Rémi. La Bête du Gévaudan par Eliberté. Chapitre 21, le lycanthrope. Revenons maintenant à Fargeau, que nous avons laissé dans la partie la plus fourrée du bois. Il n'était pas allé loin, dans cette espèce de forêt vierge, sans être arrêté par des obstacles sérieux. Tantôt c'était un rocher qu'il fallait tourner, tantôt une cavité remplie d'eau de neige, tantôt un buisson d'épines dont le feu seul aurait pu avoir raison. Fargeau, comme nous le savons, avait encore assez d'embonpoint pour que ses difficultés lui parussent doublement pénibles à surmonter. Cependant, il répétait de temps en temps ces hurlements qui devaient lui servir de moyen de reconnaissance avec le lycanthrope, et comme on ne cessait de lui répondre, il ne perdait pas courage. Un moment vint pourtant où il se trouva dans un mortel embarras. Il était arrivé au bord d'un rocher glissant, au-dessous duquel on entendait gronder un courant d'eau souterrain. Les taillis et les broussailles que Fargeau avait traversées s'étaient refermées derrière lui, si bien qu'il lui semblait également impossible d'avancer ou de reculer. Dans sa perplexité, le gros bonhomme poussa le hurlement accoutumé. Mais cette fois, on ne lui répondit pas sur le même ton. Seulement, un ricanement moqueur, idiot, bizarre, se fit entendre à une courte distance. Fargeau regarda fort attentivement autour de lui sans rien voir. Mais comme le ricanement reprenait avec un caractère plus marqué d'ironie et de joie méchante, il finit par distinguer, au pied même des buissons qui lui opposaient une barrière insurmontable, une tête barbue, hideuse, aux longues dents saillantes, dont l'œil rouge et perçant se fixait sur lui. Tout le reste du corps demeurait caché. Seule cette tête effrayante se montrait immobile à un demi-pied du sol, entre les ajoncs et les ronces. Peut-être Fargeau sentit-il en ce moment redoubler son malaise, mais il se garda bien de manifester cette impression. Au contraire, donnant à ses traits toute l'expression de sécurité et d'aménité dont ils étaient susceptibles, il dit doucereusement « Bonjour, loup. C'est un loup qui vient te voir. Ne m'aideras-tu pas à me tirer d'ici ?» Mais le lycanthrope continuait de ricaner, comme si le spectacle des embarras de son ancien ami eût été fort divertissant pour lui. « Ah ah, est-ce ainsi que tu me reçois ?» dit le pauvre Fargeau. « Eh bien, écoute, loup, tu dois être affamé, comme toujours. J'ai là dans ma poche un gros morceau de pain que j'ai gardé pour toi. » La tête barbue agita son inculte crinière, puis on répondit d'une voix à peine intelligible et avec une colère évidente. « Les loups ne mangent pas de pain, mais la chair des moutons, et puis autre chose encore. » Ceci fut dit de telle sorte que Fargeau ne put s'empêcher de frissonner. « Allons, allons, ne te fâche pas, » reprit-il. « On a dans ton métier de loup des jours de jeûne, où l'on mange ce que l'on trouve, et vous devez jeûner souvent par ici. » L'argument parut péremptoire au monomane. Il élargit de ses deux mains calleuses et velues le passage qu'il s'était fait dans les halliers. « Allons, viens chez les loups, » dit-il. « Tu me donneras ton pain et nous causerons en amis. Il y en a un autre dont je ne suis pas content. Je te raconterai l'affaire, viens. » Et il rentra dans le fourré. Fargeau se mit en devoir de le suivre. Se glissant à son tour dans la trouée faite par le lycanthrope, il chemina comme lui sur les pieds et sur les mains. Sans doute, cette manière de marcher devait lui sembler très fatigante, mais elle était réellement la seule praticable dans ce taillis presque impénétrable. Malheureusement, les vêtements du garde n'avaient pas, en cette circonstance, la commodité du simple sarrau de toile à sac qui formait le costume de l'insensé. À chaque instant, Fargeau était arrêté par des branches basses, des souches épineuses, qui le saisissaient comme autant de crochets tenaces. La nécessité et un désir secret de vengeance lui donnaient seule l'ardeur nécessaire pour surmonter ces obstacles. Cependant, il aurait eu peine à suivre l'homme-loup, qui rampait ainsi avec une inconcevable facilité, si celui-ci n'eût fait halte de temps à autre, comme pour écouter. Il semblait que quelque chose d'insolite éveillât par intervalle la curiosité, sinon la défiance de Jeannot, et le pauvre garde profitait de ces moments pour respirer. Mais bientôt, le maniaque, rassuré sans doute par la pensée qu'il était inattaquable dans ce dédale de rocs, de buissons et de précipices, faisait entendre son rire moqueur et continuait son chemin. Enfin, on sortit de la partie creuse du bois, et l'on gravit le penchant de la montagne. À mesure que l'on s'élevait, la forêt devenait moins touffue. Aussi, quoique Jeannot persistât à s'appuyer sur les mains, habitude contractée depuis longtemps, Fargeau profitait-il de l'occasion pour se redresser sur ses pieds et marcher de la manière accoutumée parmi les êtres humains. Du reste, ses habits étaient en lambeaux, son haleine s'échappait en sifflant de sa poitrine, et de larges gouttes de sueur tombaient de son front sur la neige. On monta pendant quelques instants, et malgré la roideur de la pente, la route ne présentait plus de difficultés insurmontables. Fargeot devait bien encore s'attacher parfois aux touffes de fougères pour conserver l'équilibre, mais il n'était plus percé, comme auparavant, de 1000 pointes aiguës. On se trouvait maintenant tout près de la chute d'eau, et l'on était mouillé par le brouillard glacé qui s'en exhalait. Il semblait même par moments qu'on dût s'engager sous les torrents d'écume blanche qui s'élançaient tumultueusement du rocher, en laissant entre eux et lui un large espace vide, occupé par l'effrayante corniche que nous connaissons déjà. À l'endroit de la montagne où les arbustes commençaient à devenir clairsemés et rabougris, Jeannot, qui s'avançait le premier, s'arrêta enfin. Il se retourna pour attendre son compagnon, qui le rejoignit en soufflant. Alors, le maniaque, écartant quelques touffes de genêt, se glissa dans une cavité du rocher, à peu près invisible du dehors. Avant de se risquer dans ce lieu suspect, Fargeot jeta un regard rapide autour de lui. Aucun chasseur n'était en vue, et si une querelle survenait, il n'aurait, selon toute apparence, à compter que sur lui-même. Néanmoins, il ne s'effraya pas de cette éventualité et pénétra résolument dans la grotte. Cette espèce de souterrain naturel était très obscur, et une forte odeur sauvagine donnait à penser qu'il recevait habituellement d'autres hôtes que des créatures humaines. Bientôt, les yeux de Fargeot s'habituant à cette pénombre, il put examiner la demeure de son ami. Cette cavité, dont l'élévation n'excédait pas la taille d'un homme ordinaire, avait 8 ou 10 pieds de profondeur. Il y régnait une température assez douce, et sa clôture de feuillage n'y laissait pénétrer aucune humidité. On n'y voyait ni vêtements, ni ustensiles, ni provisions d'aucune espèce. Seulement, une couche épaisse de feuilles et de mousse formait un lit moelleux qui annonçait une prévoyance intelligente. Mais Fargeot n'eut pas le temps de faire de longues observations. Son compagnon s'était assis au fond de la grotte et il disait avec une avidité sauvage « Le pain ! Le pain ! Vite ! Le loup va manger ! Le loup a faim !» Le garde tira de sa poche un gros morceau de pain que Jeannot saisit de ses deux mains sordides et qu'il se mit à dévorer avec voracité. En quelques bouchées, tout fut fini, et l'appétit du lycanthrope semblait encore loin d'être satisfait. Fargeot lui dit doucement « Il me semble, loup, que tu as longtemps jeûné, et véritablement tu dois trouver maigre chair dans ce pays perdu. Je gagerais que tu n'avais rien mangé depuis 3 jours. »« C'est vrai, » répliqua Jeannot en clignant ses gros yeux farouches. « L'autre se conduit mal envers moi. Il ne m'apporte plus rien. Il va faire au loin de bons repas et ne revient à moi que lorsqu'il a reçu quelques mauvais coups. Alors il faut le soigner. C'est un ingrat, un vilain ingrat. »« L'autre ?» répéta Fargeot, qui comprenait pourtant fort bien. « De qui parles-tu donc, Jeannot ?» En entendant son nom, le maniaque eut un accès de fureur. « Ah ! Ah ! » reprit-il. « Vas-tu donc aussi prétendre que je suis un homme et que je m'appelle Jeannot ? Si je le croyais... » Il se tut tout à coup, son regard devint fixe. On eût dit que la présence de son ancien maître éveillait dans son intelligence de vagues et lointains souvenirs. « Par moments, en effet, » reprit-il d'un air pensif, « il me semble que j'ai bien pu être un homme autrefois et m'appeler Jeannot. Du moins, je vivais parmi les hommes, et je mangeais du pain, et je couchais dans des maisons. Mais j'ai rêvé tout cela, peut-être. » Fargeot vit dans ses paroles un commencement de retour à la raison, et il voulut profiter de cet intervalle de lucidité pour obtenir les renseignements qu'il était venu chercher. « Certainement, tu as été un homme, » dit-il d'un ton affirmatif. « Ne te souviens-tu pas d'avoir été mon valet à la ferme de Varinas ? As-tu donc oublié et ma femme Marguerite, la nourrice du petit vicomte, et ma fille Marion, et ton camarade Simon Granget, avec qui tu te battais si souvent parce qu'il perdait ses moutons et qu'il t'accusait de les lui avoir volés ?» Chacun de ces noms produisait une vive impression sur l'homme loup. Sa figure bestiale trahissait de la réflexion. Encouragé par ce succès, Fargeot poursuivit. « Tiens, il est encore une circonstance qui ne peut être sortie de ta mémoire. Te souviens-tu du soir où disparut ce pauvre petit enfant, le comte de Varinas ? On a toujours cru qu'il avait péri par accident, mais tu savais, tu avais vu. « Ce n'est ni moi ni l'autre qui avons dévoré l'enfant, » dit Jeannot comme entraîné par ses souvenirs. « Les loups n'étaient pas là, il n'y avait pas encore de loups. Mais je rencontrai sur le soir le moine qui montait au château avec un autre homme. C'est le moine qui prit le petit, j'en suis sûr. »« Ah, voilà un aveu qui ne manque pas d'importance !» s'écria Fargeot, oubliant toute réserve. « Eh bien, Jeannot, consens à répéter devant des personnes, qui ne sont pas bien éloignées d'ici, ce que tu viens de dire à propos du moine, et en récompense tu seras bien traité. Tu auras à discrétion du pain et de la viande. Tu ne souffriras plus ni de la faim ni du froid. Tu auras une maison et des habits. » Il s'arrêta en s'apercevant qu'il s'était trop hâté de compter sur l'intelligence du lycanthrope. Celui-ci, un moment tenté par ses promesses séduisantes, avait repris tout à coup son air sauvage. « Je ne suis pas un homme, » dit-il en fureur. « Je suis un loup. Regarde mes griffes, regarde mes dents. Faudra-t-il donc que je te déchire et que je te dévore pour te prouver que je suis un loup ?» En même temps, il allongeait ses mains armées d'ongles acérés, dignes d'une bête féroce. Il faisait claquer les dents longues et pointues auxquelles il devait son surnom. Fargeau tâta sous ses vêtements la crosse de ses pistolets afin d'être prêt au besoin. Cependant, il répondit en dissimulant sa frayeur. « eh bien, qui te dit le contraire ? On le voit bien que tu es un loup et des plus redoutables encore. Ne serait-ce pas toi qu'on appelle la bête du Gévaudan et qui fait trembler tout le pays ?» Cette bizarre flatterie parut chatouiller délicieusement la manie de Jeannot. « Non, non, » répliqua-t-il d'un ton de fausse modestie, en balançant sa grosse tête sur son col écailleux. « Ce n'est pas moi, c'est l'autre. Et pourtant, où en serait-il, je te le demande, s'il ne m'avait pas ? Qui lui ouvrirait les portes pour entrer dans les maisons ? Comment éviterait-il les pièges qu'on lui tend de toutes parts ? Qui lui trouverait des ruses pour se cacher dans les grandes battues ? Qui panserait ses blessures quand il s'est laissé surprendre par les chasseurs ? Il est si obstiné, si imprudent. Sans moi, il serait mort 20 fois. Et pourtant, si tu savais comme il en agit mal à mon égard, nous nous querellons sans cesse. Il ne songe qu'à lui. C'est un ingrat, te dis-je. Et pourtant, je l'ai nourri, je l'ai élevé. Je pourrais presque dire que je suis son père. Eh, puisqu'il est si méchant, pourquoi ne le quittes-tu pas ? Je ne le puis, répliqua le lycanthrope d'un ton de mélancolie assez étrange en pareil cas. C'est plus fort que moi. Il y a si longtemps que nous sommes amis. Autrefois, j'avais des parents parmi les hommes. Il me semble même que j'en ai récemment rencontré dans ce pays. Mais je déteste tant les hommes. Alors, comme il faut toujours aimer quelqu'un, tu sais, je me suis attaché à lui. Aussi, n'est-il pas honteux qu'il se conduise si mal ? Par exemple, il est sorti en ce moment, mais il ne tardera pas à rentrer, car tout à l'heure j'ai entendu sur la lisière du bois quelques-uns de ces chasseurs qui nous guettent sans cesse. Eh bien, tu vas voir qu'il ne me rapportera pas un quartier de mouton, un lièvre, un lapin, comme ferait un autre. En revanche, il sera de la plus méchante humeur parce qu'il aura reçu un coup de fusil ou bien une dentée de chien ou même une lardée de couteau de chasse. Avec cela, il n'est pas remis de sa blessure de l'autre jour. Il va donc falloir le panser, lui extraire les plombs, au risque de recevoir des morsures, car vois-tu, souvent il ne me ménage pas plus qu'un autre. En exprimant ses plaintes d'un ton d'affection méconnue, le sombre maniaque avait les yeux pleins de larmes. Cette incroyable aberration des sentiments humains ne parut pas toucher Fargeau, qui reprit en simulant l'indifférence. « Ah ça, loup, mon ami, tu parles de moutons, de lièvres et de lapins. Est-ce donc seulement de ces choses-là que vous vous régalez ici ?» Jeannot sourit d'un air de mystère. « Faut pas le dire, » répondit-il à voix basse. « Tous les chasseurs couraient sur moi comme ils courent sur lui, au lieu que les imbéciles me prennent pour un homme et me laissent tranquille quand ils me rencontrent dans les battues. » « N'est-ce pas bien amusant qu'ils me prennent pour un homme ?»« Oui, oui, » poursuivit-il confidentiellement, « nous faisons souvent ripaille de ces maudites gens. Mais faut pas le dire, c'est un secret. »« Et ce n'est pas vous, » demanda Fargeau tout frémissant, « qui avez dévoré dans les bois de Mercoire ma fille, ma pauvre Marion ?»« Non, ce n'est pas moi, vrai, » répliqua l'insensé. « Ça, c'est encore un tour de l'autre. Moi, j'en voulais seulement à la demoiselle qui est si méchante, qui a toujours un fusil. » « C'est pour rire que je lui avais promis ta petite. » Mais il ne plaisante pas à lui. Il a pris la chose au sérieux, et cette fois encore je ne me suis pas trouvé le plus fort. Il fallait lui arracher la langue, lui crever les yeux, appeler au secours. Bon, si j'étais un homme, mais nous autres loups, nous n'agissons pas ainsi, tu le sais bien. « Il fallait du moins m'éveiller, » s'écria Fargeau avec énergie, en bannissant toute prudence. « Il fallait m'avertir, moi, misérable père, qui était là, ivre et endormi, pendant que cette bête infernale me dévorait ma fille. Mais je la vengerai, cette pauvre enfant innocente, que j'ai rendue si malheureuse pendant sa vie. Oui, je ne sortirai pas d'ici qu'elle ne soit vengée. Mais appelle-le donc, ce monstre exécrable qui m'a pris ma chère Marion. Où est-il ? Je l'attends. Pourquoi ne vient-il pas ?» Le lycanthrope ne comprenait peut-être pas nettement ces paroles, mais un nuage de soupçons commençait à s'étendre sur ses traits hébétés. Fargeau ne s'en inquiétait plus et s'était levé d'un air de défi. Tout à coup, comme si le ciel eût voulu exaucer son ardent désir, un léger frôlement se fit dans les arbustes qui fermaient l'entrée de la grotte. Un animal énorme se glissait furtivement à travers le feuillage, mais il s'arrêta dès les premiers pas et se mit à grogner comme si quelque objet nouveau eût éveillé sa défiance et sa colère. Sa puissante silhouette se détachait sur l'ouverture lumineuse de la caverne, et ses yeux brillaient comme deux trous de fournaise. La surexcitation de Fargeau tomba subitement. Il demeura immobile et muet. Au contraire, le fou parut oublier tout le reste, et se traînant sur les genoux et sur les mains vers la bête, il dit d'un ton de bonne humeur. « Eh bien, coureur, d'où viens-tu donc? Aurais-tu par hasard attrapé encore quelque orion? Te voilà pourtant gaillard et dispo, comme s'il n'y avait plus de chasseurs au monde. Je gage que tu te seras couché dans la neige pour tenir fraîche ta dernière blessure. C'est étonnant comme la neige te fait du bien. Mais qu'as-tu donc à gronder et à hérisser ton poil? Celui que tu vois là est un ami, c'est un loup comme nous. Allons, entre, te dis-je, et ne crains rien. » Malgré cette invitation, la bête féroce n'avançait pas, et ses yeux de flamme semblaient éclairer l'intérieur de la grotte. Cependant, Fargeau revenait peu à peu de son saisissement, la colère et le besoin de vengeance dominèrent bientôt sa première frayeur, il arma d'un pistolet chacune de ses mains. « Jeannot, bégaya-t-il, est-ce là le monstre qui... est-ce bien la bête du Gévaudan ?» Et sans attendre la réponse, il visa l'animal sanguinaire, mais Jeannot, surmontant l'effroi que la vue des armes à feu lui causait d'habitude, se jeta sur le garde à corps perdu. Quand le pistolet partit, la balle alla se loger dans les parois de la grotte. La bête parut plus irritée qu'alarmée du bruit de l'explosion. Son grondement sourd devint un hurlement formidable. Et elle courut en avant, soit pour protéger son compagnon, soit pour venger sa propre injure. Le maniaque se cramponnait toujours à Fargeau et l'empêchait de faire usage du second pistolet. « À moi, loup !» s'écriait-il de sa voix rauque. « Nous sommes trahis! Ce n'est pas un loup, c'est un homme, c'est un chasseur. Il faut le déchirer, le mettre en pièces. Il est à nous !» La caverne était pleine de fumée et l'on n'y voyait plus. Il y eut une lutte affreuse dans les ténèbres. Fargeau sentait comme des pointes d'acier s'enfoncer dans sa chair. Était-ce la bête? Était-ce Jeannot qui le dévorait ainsi tout vivant? Il ne savait, mais il résistait de toute sa force. Et comme il était robuste, on avait pu le renverser. Il se dirigeait vers l'entrée de la grotte, malgré les efforts de ses ennemis, et s'écriait « À mon secours! À moi, les chasseurs! Voici la bête! Voici Jeannot! Ils sont là! Venez à mon secours !» Cependant, il était douteux que Fargeau, couvert de morsures et perdant son sang par mille plaies, pût sortir ainsi chargé du poids de ses adversaires. L'instinct de la conservation, le besoin de vengeance, lui suggérèrent un expédient dans ce moment terrible. Il avait encore un pistolet, mais la main qui tenait cette arme était vigoureusement contenue. Son doigt néanmoins pressa la détente et le coup partit. La balle, comme la première, n'atteignit personne, mais la flamme de la poudre avait grillé les poils du loup, qui lâcha prise un moment. Fargeau sentit une de ses jambes subitement dégagée comme de la pression d'un étau. Il en profita pour se débarrasser aussi du lycanthrope, que ses longs jeûnes et son genre de vie rendaient seul assez peu redoutable, et il s'élança dehors en continuant de crier. Mais quoiqu'il revît la lumière du ciel, tout danger n'était pas passé pour lui. Il se trouvait sur une plateforme de quelques pas d'étendue qui précédait la grotte. Au-dessous de lui s'enfonçait le bois épineux, inextricable, où ses ennemis ne pouvaient manquer de l'atteindre bientôt. Au-dessus s'élevait le roc nu, perpendiculaire, inaccessible. Cependant, la circonstance ne permettait pas de longues réflexions. L'homme et le loup accouraient afin de recommencer la lutte. Alors Fargeau remarqua le rebord de rochers qui s'engageait sous la cascade. En tout autre moment, il eût reculé devant les difficultés de cette unique voie de salut, mais la nécessité le pressait, et il prit en chancelant le chemin de la corniche. À peine eut-il fait quelques pas qu'il aperçut Léonce qui venait à lui, suivi du chien de Godard. « Au secours! Au secours !» s'écria le malheureux garde dont la force s'épuisait et qui s'affaissa sur la roche humide. Mais le secours devait arriver trop tard. Fargeau demeurait comme anéanti au bord du précipice quand il sentit un corps lourd se jeter sur lui. C'était Jeannot qui l'avait rejoint et l'étreignait avec une rage nouvelle. Derrière lui, la bête du Gévaudan montrait sa large tête hérissée. Une pensée de désespoir ranima le garde. Au lieu de repousser le lycanthrope, qui le mordait avec fureur, il l'entoura de l'un de ses bras, tandis que de l'autre main, il cherchait à saisir la bête féroce. Il parvint en effet à s'emparer de la jambe du monstre, et aussitôt il se mit à se tordre convulsivement pour entraîner ses deux ennemis vers le gouffre. « Ah ! » dit-il d'une voix entrecoupée, « nous allons périr tous ensemble, et ma fille sera vengée !» Mais les autres avaient compris son dessein. Ils se roidissaient sur l'étroite saillie qui servait de théâtre au combat. Un effort puissant du loup et un coup de dent qui brisa la main du pauvre Fargeau dégagea la bête. En revanche, le garde enlaça plus étroitement Jeannot. Celui-ci essayait en vain de se cramponner au rocher dont ses ongles robustes déchiraient la surface humide. Tout à coup, le sol vint à manquer sous eux. Ils restèrent pendant quelques secondes attachés l'un à l'autre, suspendus au-dessus de l'abîme, mais bientôt le lycanthrope faiblit et lâcha prise brusquement. Tous les deux tombèrent dans le précipice et disparurent au milieu de l'écume turbulente de la cascade. Ces événements, la lutte et la catastrophe, s'étaient passés en moins de temps qu'il n'en faut pour les raconter. En ce moment, Léonce arrivait, escorté du fidèle Castor, dont la marche sur cette pente perfide était beaucoup plus prudente. Léonce avait bien entrevu, de l'autre côté du torrent, ces deux hommes qui se ruaient l'un sur l'autre avec acharnement. Mais tout occupé du soin de sa sûreté, il n'avait pu les reconnaître. Quand il atteignit la place où ils se trouvaient un peu auparavant, il ne s'étonna pas de ne plus les apercevoir. Il crut qu'ils étaient cachés par un accident de terrain ou par quelque touffe d'arbuste, et qu'ils allaient reparaître. D'ailleurs, un fait important absorba toute son attention. À quelques pas de lui seulement, un loup de taille colossale était penché sur l'abîme, dont il regardait le fond en poussant des hurlements plaintifs. On comprendra facilement que Léonce manquât un peu de présence d'esprit. Il hésitait à reconnaître dans cet animal, qui se présentait inopinément à sa vue, cette terrible bête du Gévaudan, dont la mort devait être si magnifiquement récompensée. Peut-être aussi l'émotion inévitable de tout chasseur novice contribuait-elle à son inaction. Cependant, il ne tarda pas à recouvrer son sang-froid. « C'est elle !» pensa-t-il. « C'est bien elle !» Et il épaula la carabine pour tirer. Mais déjà, la bête, dont une circonstance extraordinaire avait endormi la vigilance, venait de prendre l'alarme. Elle tourna la tête et darda sur Léonce immobile ce regard fascinateur dont si peu de personnes pouvaient soutenir l'éclat. Puis, cessant de hurler, elle prit sa course et descendit la pente herbeuse qui conduisait au bois, où elle devait trouver une retraite assurée. Léonce la tenait toujours en joue. Malheureusement, elle se dérobait derrière les fougères et les plis du sol, avec une habileté qu'elle devait sans doute à une longue expérience. Le chasseur ne pouvait donc la tirer avec espoir de succès, et elle se trouvait à une assez grande distance, sur la lisière même du fourré, quand il lâcha la détente. La balle traça un sillon sur le cuir impénétrable de l'animal, des touffes de poils voltigèrent en l'air, le loup gronda et lança encore un regard foudroyant au jeune chasseur. Toutefois, après un temps d'arrêt imperceptible, il entra dans le taillis et disparut. Castor avait vu la bête et la poursuivait avec ardeur. « Arlou ! Arlou !» criait Léonce, palpitant d'émotion. « Je l'ai touché, j'en suis sûr !»« Vous l'avez touché, mais vous ne l'avez pas tué !» répliqua d'un ton moqueur le baron de la Roche-Boisseau, qui arrivait à son tour. La balle a seulement épousseté son épaisse fourrure. Cependant, vu la distance et la difficulté du tir, on peut dire que le coup est parfait. « Morbleu, comme vous y allez, jeune homme! Quelle intrépidité, quelle ardeur, quel coup d'œil, et aussi quel jarret d'acier! Vous sautez comme un chamois au milieu des rochers et des précipices. Si l'amour-propre ne s'en était pas mêlé, Dieu me damne, moi-même je n'aurais pas osé vous suivre. » Mais Léonce n'écoutait pas ses félicitations ironiques. « Je l'ai touché, » répétait-il dans son agitation extrême. « Blessée comme elle est, elle ne pourra résister à Castor. Je vais descendre dans le bois pour soutenir mon chien, et peut-être... » « Descendre dans le bois !» répliqua le baron en haussant les épaules. « Et comment vous défendrez-vous si la bête vient à vous charger? Quant à votre chien, il est fort et hardi, j'en conviens, mais vous allez voir tout à l'heure ce qui lui arrivera. « N'importe, je veux entrer dans le fourré. »« À votre aise, monsieur !» dit le baron avec insouciance. « Mais croyez-moi, ne vous engagez pas là-dedans sans avoir rechargé votre carabine. » Cette fois, Léonce comprit que la Roche-Boisseau avait raison, et malgré son impatience, il se mit en devoir de recharger son arme. Pendant qu'il procédait précipitamment à cette opération, un hurlement de douleur se fit entendre dans le bois. Au même instant, Castor fut lancé d'un violent coup de tête par-dessus les buissons. « Quand je vous le disais, » reprit le baron en riant, « votre chien vient de recevoir son congé. La bête ne s'inquiète guère de pareils ennemis, si chers qu'ils puissent coûter à leur maître. Aussi le pauvre dogue vous arrive-t-il clopin-clopant en fort piteux équipage ?» Et maintenant que notre vaillant loup s'est débarrassé de son adversaire, il ne tardera pas à déguerpir et à prendre un grand parti, sinon il démentirait sa vieille réputation de prudence. À peine achevait-il ces mots que le loup, comme s'il eût voulu confirmer toutes les prévisions du chasseur expérimenté, sortit du bois par le côté opposé du vallon et gagna prestement une gorge voisine. « Eh bien, douterez-vous encore ?» dit la Roche-Boisseau à Léonce consterné. Notre gaillard a pris son pas de route, et il détale très franchement, quoique vous lui ayez un peu gâté son manteau de fourrure. Allons, monsieur Léonce, c'est parti manqué. Mais vraiment, je vous crois à présent fort capable de prendre votre revanche. Tudieu, comme vous chassez le loup pour un élève pacifique de l'abbaye de Frontenac. Léonce, désespéré, se frappait le front. Il fuit, dit-il avec une sorte de colère contre lui-même. Et pensez que je l'avais là, devant moi, que j'aurais pu. Mais je vais me mettre à sa poursuite, continua-t-il avec agitation. Je le suivrai à la trace, qui doit être très visible sur la neige. En ce cas-là, vous le suivrez seul, car votre pauvre chien ne sera pas de sitôt en état de vous accompagner, dit le baron. Tenez, monsieur Léonce, croyez-moi, ne vous pressez pas de vous mettre aux trousses de cette vigoureuse bête. Si j'en juge par ses allures, elle ne s'arrêtera pas qu'elle ne soit à 20 ou 30 lieues d'ici. D'ailleurs, continua-t-il, l'humanité vous impose le devoir de ne pas nous quitter de sitôt. Voici là-bas ce pauvre legris que l'on est en train de retirer du précipice. Et j'aime à penser que grâce aux branchages sur lesquels il est tombé, il n'a ni côtes enfoncées, ni membres rompus. Mais ce ne sont pas là, je le crains, monsieur Léonce, tous les malheurs que nous ayons à déplorer. En approchant d'ici, vous avez dû voir deux hommes qui luttaient à la place où nous nous trouvons. Ne soupçonnez-vous pas ce qu'ils peuvent être devenus ? Léonce, absorbé jusqu'à ce moment par les émotions de la chasse, parut sortir d'un songe. « En effet, dit-il en tressaillant, ils étaient là tout à l'heure, et je ne puis comprendre. Connaissez-vous ces hommes, monsieur le baron ? Selon toute apparence, l'un était Fargeau, l'ancien garde général de Mercoeur, et l'autre ce malheureux insensé, Jeannot Grand-Dedans. J'ai le plus grand intérêt à savoir ce qui leur est arrivé. Eh bien, cherchons-les au plus vite. Véritablement, cette disparition subite ne saurait s'expliquer, à moins d'un malheur. » On appela quelques montagnards qui se décidèrent à venir par le périlleux chemin de la corniche. Alors commença un examen minutieux. On visita la grotte, où étaient encore les pistolets déchargés. On suivit les traces de sang laissées par Fargeau jusqu'à l'endroit où avait eu lieu la lutte finale. Là, le baron, avec la sagacité d'un veneur habile, étudia le terrain et n'eut pas de peine à reconnaître d'une manière précise ce qui était arrivé. Mais en vain sondait-on du regard le fond du gouffre. On ne voyait que des rochers noirs et de l'écume. « Quels que soient ces hommes, dit Léonce chaleureusement, nous ne devons rien négliger pour les sauver s'ils n'ont pas péri, ou tout au moins pour retrouver leur corps et leur donner une sépulture chrétienne. Je renonce donc pour le moment à poursuivre la bête du Gévaudan. Plus tard, je retrouverai ses traces. En attendant, monsieur le baron, disposez de moi et de mes gens. » La Roche-Boisseau accepta d'un air de cordialité ses offres généreuses, quoique son sourire moqueur trahît une arrière-pensée. Peu d'instants après, la troupe se dispersait pour descendre dans l'abîme par des chemins différents. Quant à legris, les montagnards l'avaient déjà retiré du précipice, et, sauf de nombreuses contusions qui devaient l'obliger à garder le lit pendant plusieurs jours, sa chute ne semblait pas devoir entraîner de résultats fâcheux. Fin de la section 21.